Planet Rap. Ça, c'est via LD, ça, gros. Vibe. C'est l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h, ce soir. Ladies and gentlemen. Planet Rap, Vald. Et c'est toute la semaine en direct avec Vald. Comment ça va? Bien le bonjour. Ça va bien, bien le bonjour, oui, pardon, bonjour. Oui, enchanté. Vaut mieux commencer comme ça avec Exactement. Toi. Exactement. Ça va? Ça va parfaitement. La journée? Belle journée, des répètes, voilà. Encore de la répète, là. Ouais, toujours de la répète. Bon, est-ce que le show est prêt? Et non, sinon on aurait arrêté de répéter, t'imagines bien. Donc on c'est vendredi, par contre, il y a une date qui est importante déjà, vendredi, non? Parfaitement, presque vendredi, on peut l'appeler comme ça, à Lyon, au Nîmes Casicao. Tu seras prêt? Je serai évidemment prêt. Évidemment prêt avec l'équipe qui est avec toi, qu'on salue aussi comme chaque soir. Exactement. Hein. Ils sont INCH, là. Succon Blazadé, DJ Widim. Ils sont là, ils sont de retour avec Exactement. Nous et avec Val toute la semaine. Entre 20 et 21, le projet sort toujours vendredi. Tout à fait. À moins que, ouais, moins c'est... que ça ait évolué. C'est, mais... voilà, c'est le 25 septembre, on s'est emballé, mais bon, voilà. C'est vendredi, c'est vendredi. Ni queue ni tête 2. Exact. Ni queue ni tête, NQNT. Parfaitement. Volume 2, à découvrir cette semaine entre 20 et 21 ce soir. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a donné une définition de NQNT. Ah. C'est ni quasiment, ni trop. J'aime. Ah. C'est presque pas mal. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça te plaît? Ouais, on pourrait résumer ça avec juste, en fait. Très bien, ni trop, voilà. C'est juste. Ce sera peut-être le nom de ton prochain album, juste. Qui sait? Si vous avez d'ailleurs des propositions pour NQNT, vous balancez avec le hashtag qui est très simple, qui est VALD sur Skyrock, VALD sur Skyrock. Vous envoyez un message, vous envoyez vos questions aussi. Le téléphone qui sonne aussi, tu pourras décrocher tout à l'heure. Parfaitement. C'est ta ligne directe pour t'avoir en permanence, 06 71 74 84 15. Beaucoup de photos ou pas trop de photos, non? Ma foi, t'es j'ai déçu, l'impression hein que non, on n'a reçu aucun MMS, à moins que ce soit supprimé d'un jour à l'autre. Mais apparemment, non. Assez déçu, ouais. Eh bien, écoute, on va voir. Ce soir, peut-être qu'on peut donner plus encore à Vald. Les filles, n'hésitez pas à envoyer vos messages, vos photos à Vald. Et on débute avec bonjour. Allez, on Allez, c'est parti. Bonjour. Dis bonjour, du coup il s'est fait niquer sa mère. C'est-à-dire que le mec arrivait, tout le monde a dit bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Il s'est fait niquer sa mère. Il est parti chez lui, bonjour madame, je vais te niquer ta mère. Il a niqué la mère de sa mère pour enfin niquer sa mère. Non, fallait mieux dire bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Le respect se demande pas, le respect se prend. Le respect se perd. Le respect se demande pas, le respect se prend. Le respect se perd. Mais ne gagne pas, si t'as un tapin, c'est ton gagne-pain. Mais ferme ta gueule. Viens pas t'étonner si on t'aime pas. Si on peut tronquer ta vie contre un potéto. Ou un tempo. Tu n'as pas compris le tempo. Parce que le mec s'est vengé. Parce que le mec s'est vengé. Il a dit tout est mort, fils de pute, je vais les manger. Cimetière communal, lui check toutes les pierres tombales. Il lâche deux trois croix gammées, lui trouve la tombe à mémé. Il déterre la vieille, les vers l'ont désossé. Donc il régurgite sur les fleurs déposées. Du coup il s'est fait niquer sa mère. C'est-à-dire que le mec arrivait, tout le monde a dit bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour, il s'est fait niquer sa mère. Il est parti chez lui, bonjour madame, je vais niquer ta mère. Il a niqué la mère de sa mère pour enfin niquer sa mère. Non, fallait mieux dire bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. En fait l'histoire est plus complexe, c'est-à-dire que le mec a dit wesh. Mais il a pas regardé dans les yeux. Les yeux c'est le reflet de l'âme, te prolonge quand tu dis wesh. Faut regarder dans les yeux. Mais le mec a dit wesh, à tes mains ses pieds. C'est là que j'ai oui, je vais niquer la mère de ta mère pour enfin niquer ta mère. La regardant dans les yeux. C'est parti de pas grand chose. Ça rend nos parents chauds. Ferme une parenthèse. Les histoires vont trop vite, poto. Fais gaffe à toi, c'est tout ce que j'ai à dire. Si tu sors, poto, sors couvert, sors protégé. Pense à tout ce que tu peux, à tes amis, si tu peux te protéger toi-même. Avec des gilets pare-balles, avec des genouillères, avec des coudières, poto. Prends un casque, prends un truc pour protéger ton menton, ta mâchoire, ton pif, poto. T'es dans la merde sinon, fais gaffe à ce que tu dis, bon. Fais gaffe à qui tu dis, putain. Le mieux c'est que tu fermes ta gueule. Et tout se passera comme prévu. C'est Val, notre invité, ce morceau qui s'appelle Bonjour. Parfaitement. On peut découvrir aussi les images de Bonjour, c'est dispo aussi. Oui, sur YouTube, faites-vous plaisir. Val avec nous, NQNT, ça sort donc vendredi dans les bacs, c'est en précommande dès maintenant, on peut y aller. Tout à fait, depuis déjà 3 mois, on est là. Ah oui, c'est bon, tu l'as bien mis en avance. Ouais, voilà. Ouais, c'était prêt depuis un moment. Parfaitement, oui, ça fait un moment que c'est prêt, oui. Ça fait 3 mois. Est-ce qu'il était compliqué à faire d'ailleurs ce projet, Val? Est-ce que tu as pris beaucoup plus de temps que les précédents ou... Non. En fait, le plus gros a été fait sur 2 semaines. Et après, disons que le noyau a été fait sur cette période. Et après, on a rajouté des morceaux. 2 semaines. Ouais, en fait, ouais, c'est vrai que je m'en suis souvenu récemment. Toi, en 2 semaines, tu fais un album, quoi. Le plus gros. Voilà. On a rajouté 2-3 trucs, puis on avait 2 aussi. Après, on a rajouté 6 mois. Mais en gros, c'est ça, ouais. On a créé pendant 2 semaines, c'était intense, c'était l'été. Il faisait beau, il faisait chaud. Toi, t'as besoin quoi? T'as besoin d'être en studio pour écrire? T'as besoin d'être à la maison? D'être autre part, dans un bar, un truc, un endroit particulier? Non, j'ai besoin, d'avoir une prod, des enceintes proches de moi. Ça, c'est bien. Et un micro, voilà. Tu veux dire un mot d'ailleurs sur les gens qui ont bossé sur le son, sur cet album, sur ce projet? C'est parfaitement lancé. J'aimerais donner tout mon amour à BBP, Dolor, Ovagrand, INCH à ma droite, Succombe Lazadé, tous les beatmakers de Rognon, en fait, DJ Widim, Sizi. Tous ces gens sont très très forts. Ils t'ont donné beaucoup d'amour. Parfaitement fort, beaucoup d'amour et beaucoup de prod aussi. Ce qui est principal aussi. Ce qui est intéressant. Ce qui est plutôt intéressant. Tout à fait. Et bon, j'ai des dossiers remplis avec leur production et je suis ravi et très content. Eux aussi sont ravis, non les gars, vous êtes ravis quand même. Bosser avec Val, c'est quand même. C'est ouf, hein. Surtout quand il prend mes prods, ça j'adore. Chiche. Ah oui, c'est vrai. Excellent morceau INCH Beat d'ailleurs sur YouTube. Bon, on écoutera quoi d'ailleurs dans un instant? Écoute, j'ai bien envie que on se retouche les tétons tous ensemble. D'ailleurs, il y a une information qui est tombée très récemment. C'est Laurent Bouneau, le gars sûr, qui me l'a dit. Apparemment, les selfies feraient plus de morts que les requins. Voilà. Donc, d'accord. Je pense qu'on pourrait écouter le selfie. Laurent, si tu veux venir témoigner pour dire d'où tu tiens toutes ces sources, n'hésite pas, l'antenne est là jusqu'à au moins 21h. Voilà. Donc, l'information, c'est une info sûre. C'est une information pour demain. Parce que là, il est 20h, donc les journaux commencent à ce temps-là. Donc, ouvrir. C'est pour demain. On peut ouvrir le Planet Rap avec cette info, quoi. Exactement. C'est-à-dire, donc, ne prenez plus de selfie. Disons que ça fait plus de morts. Ou alors, baignez-vous avec des requins. Voilà. Ou alors, s'il y a des requins dans le coin, faites des selfies. Ah ouais. Et alors là, c'est 2 fois plus de chances d'y passer. Ah oui, du coup, Donc, rangez les téléphones. De toute façon, s'il y a un requin pas loin, c'est dangereux pour les téléphones. C'était quand d'ailleurs ton dernier selfie, Valde? Là, à l'instant, il y a quelqu'un du staff qui m'a demandé de faire une photo. Un selfie pour C'était horrible. Pour l'Instagram de Planet Rap. Ouais. Il me demande une nouvelle gimmick tous les jours. Le gars, il croit qu'on est des machines, quoi. Non. Des machines à selfie. Alors, hier, j'ai fait un classique, mais pas aujourd'hui, quoi. En même temps, tu fais un morceau qui s'appelle Selfie. Parfaitement. Tu le cherches? Quelque part, non. Surtout pas. Je ne vous cherche pas du tout, jamais. Laissez-moi. Tu te souviens d'un selfie dangereux que tu as pu faire, toi, Valde, ou pas? Oui, avec des horribles fans. Je me souviens une fois, il y a quelqu'un qui me dit: ouais, prends une photo avec mes 2 cousines là. Vas-y. Oh merde. Et il met les 2 cousines à côté, il fait: vas-y, embrassez-le. C'était gênant. Quelque part, tu sais, c'est ta famille, quoi, gros. T'es sûr? Parce que là. Tu les connaissais pas? Pas du tout. Non. Jamais. Et les 2 t'ont embrassé en. Parfaitement. En même temps? Sur la joue, évidemment, 1 joue chacune. C'était agréable? C'était particulier. Parce qu'il y avait le cousin en face. Donc, puis les 2 sont cousines, donc c'était gênant. C'est vrai que c'est un truc particulier. Tu découvres un petit peu ça d'ailleurs, Val, c'est ce côté notoriété où tu prends des selfies ou autre, où on vient de prendre en photo et tout, etc. Oui, c'est quelque chose d'agréable quand même, c'est non? C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle vie. C'est agréable de savoir que les gens ont de l'amour pour toi. Voilà. Non, mais j'avais lu un truc, je crois, parfois où ça te gênait d'ailleurs. T'étais un peu gêné parce que tu disais une fois que t'as dit bonjour. Et voilà. Et comment ça va? T'es bon. Et c'est pire que ça, c'est qu'on me dit bonjour, j'adore ce que tu fais. Ok.

Le morceau s'appelle Selfie sur Skyrock avec Vald. Et on vous rappelle qu'il y a trois clips différents autour de ce morceau. Parfaitement, sur différentes plateformes. Est-ce que c'était la première fois que tu tournes un clip avec des gens qui, bon, juste à côté Ah oui, oui, non, c'est pas du tout dans les habitudes et les coutumes. C'est pas un truc Non. On regarde d'habitude. Ouais. Et là, ça se passait juste à côté de toi. On regardait encore, ouais, on regarde. Déstabilisant ou pas le tournage de ce clip? Il durait combien de temps d'ailleurs le tournage de... C'était particulièrement long. Parce qu'en plus on fait la version érotique juste derrière. Donc en fait ça n'en finissait pas de fourrer. Je sais pas, je dirais peut-être 4-5 heures de tournage. Plus la prépa avant et le truc après quoi. Mais toi tu sors tes lessivés d'un tournage comme ça? Bah en fait non, parce que moi je fais rien dans le clip. Donc eux ils transpirent mais moi voilà quoi. Y a pas un moment où tu sors où tu dis bon je reviens? Non. Si on sort, on va fumer une clope. Ouais. C'est tout. Il n'y a pas un moment où tu te dis bon, je vais y aller quand même. Je vais... Non, ça y est. Non. Tu laisses les professionnels faire. Oui, et puis en plus, ils sont professionnels, hein. C'est pas des partouzeurs quoi. Même si on peut retrouver des vidéos. Oui, partouze, voilà. Évidemment. Mais ça, toujours avec un budget, une caméra. Voilà, enfin, je veux dire, c'est encadré quoi. C'est pas n'importe quoi. Oui, c'est encadré, c'est ça. Parfaitement. C'est affaire sous encadrement. Tout à fait. Selfie, c'est le nom du morceau qu'on écoutait à l'instant. Quelques petits messages, tiens, j'ai relevé aussi quelques petits messages qui sont arrivés pour toi. Bah alors. Au 06 71 74 84 15, je t'ai pris le portable espace de 2 minutes. Un message du 06 26, c'est Bonjour Val, je tiens ma mère quand même, donc a priori, il connaît bien le morceau. Pour savoir si pour toi faire des concerts est important ou pas, la bise avec tout mon amour sur toi. J'espère que c'est une fille qui envoie ça, mais alors, en même temps. Oui, on prend l'amour des garçons aussi. Des garçons aussi. On met pas les bisous sur soi. Ouais, enfin. Ça, c'est toujours la preuve de l'amour en fait qui est particulière. Mais pour les concerts. Quoi qu'il en soit, les concerts. Chose que tu aimes être sur scène. Oui, parfaitement. Oui. Bah oui. Oui, évidemment. On adore les concerts. Bah, c'est la teuf quoi. On peut filer quelques dates. D'ailleurs, le vendredi, c'est du côté de Lyon. Le 30 septembre, ce sera la Maroquinerie à Paris. Le 1er octobre, à Montpellier, au Rockstore. Le 10 octobre. Parfaitement. À Metz. Le 16 octobre, à Ivry. Le 17 octobre, du côté de la Suisse. Et le 31 octobre, à Tulle. Ah. Et non. Et on se casse les couilles sur scène pour que ça ressemble à quelque chose, que ce soit une vraie soirée, quoi, que tout le monde rentre chez lui essoré, épuisé. Et je vois que tu es même booké pour le 31 décembre déjà en fait. Et bah alors, ouais, ça chôme pas. Ouais, tu vas passer le 31 décembre en Belgique. Ouais. À Bruxelles, à l'Esplanade. Ouais. Pour la fucking New Year's Eve. Ouais. Mais il y a une histoire de passeport et. Ah oui. Il y a un pépin à régler, mais on va. Qu'est-ce que c'est que cette soirée fucking New Year's Eve? C'est un gros concert qu'ils font chaque année. Et l'année dernière, ils vont nous inviter. Ils se sont plantés, je crois, dans leur gars, un truc comme ça. Donc là, ils recommencent. Voilà. Mais vous êtes libre, t'es libre? Ouais, bah si on est booké, on va faire en sorte que quoi. D'accord, donc le 31 décembre pour voir Val, pour passer le nouvel an avec Val. Alors Val, je me permets, je reçois 40 000 appels, je n'en décroche un. Eh bah vas-y, permets-toi. C'est la teuf. Val avec allô, nous qui oui, prend bonjour. Un coup de fil en direct. Allo Val? Oui, bonjour. Ouais, ça va? Ça va bien et toi? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Blaise. Bonjour Blaise. Blaise est essentiel au bon déroulement de cet épisode. Ah, ça fait plaisir de te parler. J'adore ce que tu fais. Je sais, tu viens de dire que t'aimes pas qu'on me dise cette phrase, mais j'adore vraiment ce que tu fais. Alors non, j'adore, mais c'est la suite, moi, où j'ai toujours un doute. Mais ça, j'aime bien. Merci, frère, ça tue. C'est vraiment. Non, franchement, c'est lourd ce que tu fais. J'ai juste une petite question. Dis-moi. En fait, oui. Je suis né, c'est vrai, je suis né le 25 septembre, comme la date de la sortie de ton album. Mais il y a plein de gens qui sont nés le 25 septembre. Mon plus beau cadeau qu'on pourrait faire cette année. Incroyable. C'est de venir au Planète Rap. Le 25 septembre. Ah, mais c'est con parce que. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Blaise? Alors, c'est pas pour faire le gratteur. Hein. Parle-moi, Fred. Il habite où déjà? Parle-moi. Parce que si vous payez le billet, il faut savoir où il est quand même. Où habites-tu, Fred? Non, Blaise. Oui, toi, c'est Blaise. Fred, qui est-ce? J'habite là à côté. À qui parle? Pardon, Blaise. Tu habites à Paris, déjà, c'est plutôt pratique. C'est pratique. Alors, oui. Alors, ce que va faire, c'est Fab, là, qui fait son entrée avec son magnifique petit pull marin. Voilà. Qui est là, dans le studio, va prendre le téléphone. Voilà. Et il va. Et il va t'indiquer comment venir. Il va opérer la magie et c'est très faisable. Et on va l'inviter pour ton anniversaire. Allez, ça vous va? Allez, c'est bien. Continue comme ça. C'est bien normal. Par contre, c'est lui qui paye les bouteilles, même si c'est son anniversaire. Ah oui, s'il peut ramener à boire, ça. Blaise, c'est ton anniv, mais tu rinces. Hein. Alors, je te passe quelqu'un pour organiser ça, mon gros, et ça sera avec grand plaisir. Voilà, ne raccroche pas. Voilà, donc de l'amour sur toi, je te passe un agent de sécurité, d'accord? À très vite, mon gros. Eh ben voilà, très bien, Blaise.

C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Val. Je suis désolé, je viens d'apprendre dans l'oreillette là à l'instant que tu as un compte Tinder. Donc a priori, c'est l'événement. Ouais, voilà, c'est l'événement. C'est parfaitement. On peut se draguer comme ça, on est cool. Donc c'est fou quoi. Ouais, tu as tous les comptes possibles et inimaginables. On peut. Ouais, ouais. Mais par contre, j'ai pas pris l'abonnement Tinder, ce qui fait que j'ai un nombre de likes limité par jour. Donc je peux pas aimer tout le monde. Pourquoi? Je dois vraiment faire un choix. T'as une pince? Ouais. C'est quand même 5 balles par mois quoi. Ah ouais. Mecs, ils se font pas chier. Très bien, bon en même temps, attends, si on écoute le morceau un jour, tu vas devenir riche, tu pourras prendre toutes les applications, tous les trucs payants, tu pourras tout avoir, ça va bientôt arriver Val. Parfaitement. C'est ça un petit seulement. Peu. Ça arrive. Ça arrive, bien sûr. C'est en cours. Bien sûr. Ça va monter. Ça n'arrête pas de monter. Ça n'arrête pas de monter de toute façon. Je rappelle que l'album d'ailleurs est en précommande, n'hésitez pas à le faire monter cet album. Exactement. NQNT 2, c'est Val notre invité. Dans un instant il y aura du live et par téléphone je vous présente Mad de Tours. Salut Mad. Oui, bonjour. Comment ça va Mad? Ça va. Tu connais Vald? Ouais, un petit peu, ouais. Bonjour Mad. Eh ben je te présente Vald. Mad. On t'écoute rapper mon pote, c'est parti? Eh ben y'a pas de soucis. Allez, session freestyle par téléphone, on y va. Ok. Masqué. Et on t'amène même savoir où arriver. Parce que ma décision, c'est que j'ai ouvert un projet. Ouais, j'ai calé, mais j'ai posé mes milliers. Et j'en faut les gérer. Magnifique comme la frappe parisienne, attaquer les nés. T'as leur fait. Tiens, je comprends les. T'as compris qu'ils s'enseignent à juste faire. Mais ce qui fait pas les fous et pas les passes. L'impression est d'être un petit peu passé. Si je fais ce morceau, vous allez dire qu'il est trop fort. C'est un milieu simple. J'ai jamais dit que j'étais un exemple. J'en ai fait bouffer à tous les goûts et j'ai bouffé à mes exemples. J'ai fait des pompes et j'ai fait gonfler mon rap. J'arrive à discerner les gens, impossible qu'on rate. M.A. des lines, à phrase des lines, les mecs m'ont attiré. La plus belle voix de Paname joue avec ce pas dans le barillé. Des pas dans le barillé, ouais, tout n'est pas dans le barillé. J'ai des phrases les plus hauts, des dits au M.C. pour habiller. Ouais, je connais les principes, jamais je gueule, des fois je mords. J'ai payé pour mes erreurs, fallait que ma plume valse de l'or. Je me suis trompé d'air, c'est essoufflé que les mâles battent. Tous mes rimes portent leurs fruits en attendant mes punchlines. C'est pas mes faces, c'est un place de tagueur. Place de rappeur à tout faire, je te l'avais dit, pas l'état, c'est mes ardeurs. Faites des pop, mon rap, et tu dis le bave. Parce que je veux, j'aime pas ce que je fais, ça les frères, ça me fait quelques secondes et quelques phrases que j'ai démarré. Mais je connais mes mots, si les MC sont des tarés. Old school, hip-hop, j'aime pas si c'est décalé. Le rat est à mon art, c'est bon, les MC sont décalés. Ok, MAD à l'instant, freestyle par téléphone. Merci à toi, Emadé. Merci beaucoup. On peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y, balance. Ouais, page Facebook, Emadé 2015, il n'y a pas de soucis sur Facebook, YouTube, il n'y a pas de soucis, vous pouvez me retrouver. Eh ben merci à toi Mad, à l'instant en freestyle dans l'émission. Tu étais au téléphone, j'étais vu décrocher en loose des... Ouais non ça n'arrête pas, il y a des appels qui se prennent. Et alors ça disait quoi? C'est la plateforme, que de l'amour, ça me suit depuis un moment. Tiens, merci à lui. Un petit dernier pour la route. Allez vas-y on ce soir, allez vas-y avant de passer au freestyle. Soyons dingues. Allô, oui bonjour. Allô Val. Ouais c'est moi, salut. Ça va bien? Ça va bien et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Erwan. Enchanté Erwan. Que veux-tu? Je serais pour te poser une question. Oui. Quel effet ça te fait de savoir qu'une QTD va sortir là? Je chie dans mon froc à différentes heures de la journée, voilà. Oui, tu es tendu, ça se voit d'ailleurs. J'ai des fuites, ouais, non, ça va pas du tout. Ah, il nous a tué les chiottes de Sky, hein, ouais. Tu veux dire. Attends, juste deux secondes. Et pas que. Du live, parce que je t'entends deux fois, c'est grave chaud. Ah oui, parce qu'il t'entend, en fait, il a la radio, donc il entend deux fois. Ah oui, c'est le bordel. Erwan, donc, il posait la question de savoir si tu flippais un peu sur la sortie de NQNT 2. Oui, non, ce que je te disais, oui, c'est beaucoup de stress, n'est-ce pas? Beaucoup de pression. Et à la fois, j'en ai rien à foutre. Donc, c'est un sentiment particulier. Ok. Voilà. On peut le retrouver partout à la Fnac et tout. La Fnac, tu es où, Amazon, il est où Erwan, je sais pas où. Il habite où? Partout, il a priori. Erwan. Où habites-tu Erwan? J'habite à Melun. À Melun, bah c'est ah bah partout. Comme Pete Doherty, c'est bien. Vous avez pas suivi? Tu te souviens de Pete Doherty là, le rocker là, le mec Des Baby Shambles. Ouais. Le mec vit à Melun, c'est-à-dire qu'à l'avant, à l'époque, c'est il était avec Kate Moss. C'est avec Kate Moss et je te jure qu'il vit à Melun. Et maintenant, il sort avec Kate Moche. De Melun. Melun et Melèche. Tu vois, descente quoi. Ah là, il est en pleine descente, le mec. Écoute, voilà tout ce que je peux te dire. En tout cas, une QNT2 sera disponible à Melun. Oui, à Melun. À Melun, t'es demandé à la Fnac de Melun. Voilà, parfait. Avec Pete Doherty en dédicace là-bas. Voilà. NQNT dédicacé par Pete Doherty à Melun. Voilà, mon gros. Salut, Erwan. Voilà. Bah, pas de problème. À très bientôt. Ciao, bonne soirée. Ciao. ciao. Non, je vous jure que c'est pas une connerie, hein. Ce mec maintenant vit à Melun. Putain, c'est là que ça se passe. Le mec. Tu as des anecdotes. Tu... Ah ouais, non, c'est. Ah non, c'est Pete Doherty. Imagine-toi d'un seul coup, bon. Tu connaîtrais, voilà, les Kate Moss, Amy Winehouse. Et... Uh-huh. D'un seul... Du RU d'un seul coup. Bah, à Melun. Maintenant, c'est la place UB, quoi. Maintenant, c'est là où tout le monde se retrouve. Quoi. Si tu devais décrocher, si tu devais décrocher, si tu devais un moment où tout abandonner, tu irais où? J'irais loin, je sais pas où. Sincèrement, je sais pas où. Quelque part que je connais pas encore. Oh, voilà. Le Pete Doherty, il a dû arriver à Paris, il s'est dit bon, qu'est-ce que je prends comme ligne? Il y a ligne blanche. Qu'est-ce que je prends comme. Quelle tranche je prends? Tiens, non, j'irai à Madagascar. Ouais, j'irai à Madagascar. Ah, c'est autre chose, ouais, c'est pas mal aussi. J'aime bien les caméléons. Ouais, bah. Eh bah, écoute, on te souhaite un jour d'aller à Madagascar, Vald. En attendant, on va profiter de toi avec la sortie de cet album vendredi. Est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant, messieurs? Ma foi, est-ce qu'on est prêt, DJ Widim? Widim a l'air prêt, il a l'air chaud. J'ai Widim. Tout le monde est prêt à flex, on est bon. Des putes, des putes et des putes. Ah. Tout un programme. Double feu, double feu. Je suis un poisson, je suis dans l'océan. Double feu, double feu, double feu. Et je suis un poisson, perdu dans l'océan. Et puis j'aime les algues. Et puis j'aime les algues, et puis j'aime les algues. Et je suis un poisson, perdu dans l'océan. Et puis j'aime les algues. Oh que j'aime les algues, et puis j'aime les algues, et puis j'aime les algues. Et je suis un poisson, perdu dans l'océan. Et je suis un poisson, qui adore les algues. Qui adore les algues, et les algues, et les algues, et les algues, et les algues. Et je suis un poisson. Ah bon? Perdu dans l'océan. Ah oui, j'aime les algues. Oui. Ah oui, j'aime les. Ah oui. Et puis nique les fagues. Nique les fagues. Nique tous les faguettes. Tous les fagues, tous les fagues, tous les faguettes. Je suis un poisson. Oui. Oui, je suis un poisson. Oui. Et je suis impatient. Oui. Perdu dans l'océan. Oui, j'adore les vagues. Oui. J'adore les vagues. Oui. Et je suis un poisson. Poisson. Et j'adore les vagues. Et j'oublie mes phases d'avant. Je suis un poisson perdu dans l'océan, j'aime les algues. Ah que j'aime les algues. Je suis un poisson. Tout le monde. Dans l'océan, j'aime les algues. Oui, j'aime les algues. Je suis un poisson. Je suis dans l'océan. J'aime les algues. Oui, j'aime les algues. NQNT2. Grosse exclue. Tout pour les amphibiens. Des putes et des putes. DJ Weed. Scandale même pas Belzébut. J'ai vu des flammes, j'ai fait zut. Zut, zut. Les autres racontaient leur vie, j'ai fait zut. On compte les amis, on compte les pécules. Tu fumes que de la weed, mais c'est pas les légumes. Devant tu donnes la vie, derrière on t'exécute. Ça fait v'là les déçus, v'là les défunts. Val les dessus, val les deux ceux qui te volent, c'est les deux. Val les dégueux, mais val les têtus. Val les méfus, j'ai cramé des culs. J'ai cassé des bœufs, sans même clasher des gueux. Je vais cracher le feu, je vais braquer ta baraque, je vais clasher le vieux. Si Val est heureux, tu vas tâcher le bleu, ça va gâcher le jeu. J'aime pas quand mes pions bougent. Je vois des fions rouges. Les étoiles au-dessus de mon nez remplissent ma destinée. Je regarde ton dessin, cette merde est mal dessinée. Je fournis que des syllabes qui riment à préciser. Je te vois, t'es gentil, ton cul ou ta chatte a décidé. Je pète à l'argenterie, m'imande la résivée. Je me défonce la gueule au sud. Jamais un préciseur. Je sais que t'apprécies l'heure. Merde, mais je vais tous les décimer, VL décimeur. Gerbe, même dans le froid, VL dégivreur. 16, VL déchiffreur. Bang, VL délivreur. Bang, VL désigneur. VL déseigneur. VL déseigneur. Hey guy, hey guy, hey guy, hey guy. les boîtes, les sacs, l'alcool, le crack. Hey. Ce qu'on blase à des INCH avec moi, DJ with Jim, V-A-L-D, N-Q-N-T-2, vendredi. Suis comme là, quand le pirate attaque, faut savoir se jeter à l'eau, mégalo. Moi non, mais les moineaux m'adorent. Depuis que celui qui a pris ma place, personnage attractif, personne à la barre, navire à la dérive, tout le monde boit la tasse. Est-ce que tu vois la plage là-bas? Si tu veux l'atteindre, va falloir que tu montes dans mon pédalo. Garantie que c'est payant pour les salopes. Demande à Marianne, maintenant elle roule à l'éthanol. Elle te ronge les durites, te fait claquer du bif, crame ton cerveau, puis t'en fais cadeau. Hey, INC, pendant que vous étiez dans les couilles de vos pères, je me branlais déjà devant M6, non, une chaussette. C'est trop facile de filer des mots de tête. Ça allait beaucoup moins de dire des choses vraies. Tu m'en dis du respect, mais c'est le 21ème siècle. Et la femme que t'aimes a sûrement déjà fait une sextape. Merde, tout ça vaut pas une bille. Et se mentir à soi-même, c'est pas une vie. Wesh, gros, je vis sur ma planète, je l'explose. Et je ferai mes adieux à cette daube, la tête haute. Arrête de faire des carrés mesquines ou je vais devoir te présenter une partie de l'équipe. Regarde-moi dans les yeux quand j'écarte ton boule. Tu connais le type quand t'as pas dit bonjour. Non. Je suis un incurable Gremlins. Répète-t-il, très petit, pyramide, pentagone, pentacle, les triple 6, dilapide, voilà daube en musique, dans les films, en radio. En radio. VHL, répète-t-il, très hostile, répète-t-il, très toxicomane aussi. Y'a même leur mano doux, a des écailles au pire, faut que j'arrête mon listing. Ils se faufilent même entre les briques, ils entendent tout ce que j'enregistre. J'foule, s'veul en régime, et la régie, c'est moi, du coup, élisez-moi, que j'fasse tout péter, que j'accomplisse la prophétie. Si t'as gommé pis, moi j'en ferai que dalle. Y'a qu'un fils de putain reptile pour se vanter d'enfanter ta concubine. C'est pas mon projet, c'est pas ma passion. J'fais sauter le crochet, j'vise l'évasion. J'vise l'évasion. As-tu 10 euros? As-tu 10 euros? As-tu 10 euros? 10 euros? Ah, ça s'arrête là-dessus, les gars. Ah ouais, les frères! Ça s'arrête là-dessus. Ouais, putain. Ah. C'est reparti. Mais non, c'est pas parti, les frères, on a tout donné là! Tout donné là? Oui, on était au max là! Bon, c'était pas mal! Non, mais c'était pas mal, ça c'était pas, pas mal, du tout c'était comme pas mal, c'était pas mal, j'ai juste la fin comme ça tombe. Ah ouais, mais parce que je finis sur. Je vise l'évasion, frère! Ça veut dire, t'as ça veut pas dire compris. T'es déjà parti quoi! Ah merde! Ouais. Ah, okay, c'était l'image, il fallait mais finir ouais, là-dessus, je vise l'évasion, putain, et je pars direct. Ouais, non, c'est pas professionnel! Non, là c'est vraiment, j'étais à côté de la plaque. J'ai envie de te dire, Vald avec nous entre 20 et 21, et puis on va aussi saluer ceux qui t'accompagnent en freestyle depuis hier. Mes meilleurs rappeurs préférés, tiendront je les adore. Jusqu'à la fin de semaine. INCH, suis comblazadé avec moi, toute ma vie. Est-ce qu'ils sont avec toi aussi sur scène? Parfaitement, on est toujours tous ensemble en tournée. Nous formons une équipe soudée comme les doigts des pieds. Donc par exemple, vendredi à Lyon. Oui. Au Ninkasi Kao. Oui. Est-ce qu'on pourra voir aussi cette équipe qui est là, j'ai envie de dire? Parfaitement, cette même équipe, nous serons tous présents pour se défoncer la gueule après le concert avec vous. Et pas pendant. Pas pendant. Non. Ouais, en tout cas, c'est. Ouais. Avant. Non. Non, et non. Quel les gars, on a dit pendant, non. Après. Après, voilà. Et puis vendredi, en même temps, il y aura plein de choses à fêter, puisqu'il y a la sortie aussi de NQNT2. Donc autant vous dire qu'Ami Lyonnais se prépare. Et puis il y a l'anniversaire de Blaise. Ah, et l'anniversaire de Blaise qu'on a eu en ligne tout à l'heure. Exactement. Indispensable au bon déroulement. Tiens, décroche, voir s'il n'y a pas un autre anniversaire là, le 25 septembre. Allez, décroche, quelqu'un qu'on pourra inviter dans le studio. Oui, bonjour, ici la plateforme. Allô? C'est la ligne directe de Vald, hein, vous appelez. Allô? Allô? Ça va? Ça va, toi? Ah ouais, ça va, ça fait plaisir de t'entendre. Bah écoute, ça fait un bail maintenant. Ça va toi? Bah écoute, on est là dans le bendo, hein. Ah bah dans ça bendo. Fait plaisir. Nous on est dans le building. Mais as-tu 10 euros? Ah autant pour. Alors, c'est qui va quoi. Alors, un peu si qui ta c'est... question précise, c'est quoi les bails, ça va chier, mec. Tu te rends compte que je décroche parmi 1000 appels. Et si ta question, c'est quoi les bails. Eh bah, ben, peut-être que c'est la question, c'est quoi les bails. C'est quoi les cheese. Bien sûr, mais... Eh bien, figure-toi que c'est quoi les bails n'est pas français. On dit c'est quoi les beaux, mon salaud. Alors maintenant, tu vas réviser ta grammaire. Et comment il s'appelle alors Comment t'appelles-tu, mon cher. Et écoute, je m'appelle Benjamin. Enchanté. Et Benjamin. Son anniv, c'est le 25. C'est ton anniv, le 25. Et oui, c'est mon ami. Ouais, bravo. Je m'appelle Septem, donc voilà, donc je viens connaître, je m'invite tout seul. Ça fait plaisir. Eh bah, tu peux venir le 25 septembre. Voilà. Et si toi aussi tu veux fêter ton anniversaire avec VLD, rejoins-nous voilà, c'est en ça, direct en fait, du planète. Le 25 septembre. C'est, il vient d'où? Melun. Alors aussi d'où viens-tu? Viens-tu de Melun? Écoute, je viens à côté de chez toi, je viens de Livry-Gargan. Ah bah oui. Bah t'as traîné là-bas, Livry-Gargan. Oh, Val, tu peux nous raconter là-bas pendant un temps incroyable. Il y a le Pickwick là-bas qui envoie du pâté. Exact, le Pickwick à côté du Cora. Oh là là, le monsieur est connaisseur. Tout ce qui est N2, voilà, on est ensemble, la famille. Val n'est pas un mytho, c'est vraiment un mec du 9-3. Hein. Bah oui, attendez. Olnesou, Reclet de feu. Plus street, frère. Y a pas. Ouais, à part la bouche d'égout, évidemment. Bon, alors donc la question c'était c'est quoi les bails. Voilà, voilà. Et donc d'accord. On a mis tout de suite au clair que grammaticalement ça ne marchait pas. C'est plutôt c'est quoi les beaux. Si voilà, vous avez une prochaine question à Val. Exactement, exactement. N'hésitez en tout cas, pas. C'était un plaisir de t'avoir. Et bah, bravo Benjamin, en tout cas, c'était sympa de t'avoir. À l'occasion, on se croisera sur Libri Gargan. Bah, tu m'en rappelles quand tu veux. Allez, c'est comme ça. Tu as gardé son numéro. À très vite, Benjamin. Bien sûr, je garde son numéro. Si jamais t'es en manque d'amis un soir, si j'ai envie de savoir comment ça se passe, tu peux l'appeler en disant c'est quoi les beaux un jour. Hein. À très vite, mon gros. 06 71 74 84 15, c'est la ligne directe pour joindre Vald toute la semaine dans Planète Rap. Il décroche, décroche. Je crois qu'il y a vraiment une bonne ambiance, une bonne entente. C'est fou, hein. C'est bien, en tout cas, les questions, il y avait vraiment du lourd, je trouve. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Parce qu'il fallait la poser, celle-ci, c'est quoi les bails. Ouais. Et puis, d'ailleurs, on n'a pas répondu, finalement. Mais non, mais c'est... Ah oui, c'est quoi les beaux alors. Les beaux, c'est que là, on sort à une chaîne T2 vendredi. Mmh. J'ai l'impression que ça fait 100 fois que je le répète. Répète-le une 100e fois. Ça sort vendredi, on est très content. Voilà, c'est beaucoup de travail. On le dit pas assez souvent, on est tout le temps là à se branler les couilles. Mais c'est beaucoup de travail, de beaucoup de personnes. Beaucoup d'argent. Voilà, faut savoir que sur moi, il y a beaucoup d'argent. Faut un moment que nous aussi, on rentre. Voilà. Vald, excusez-moi. J'étais pas prêt pour le beaucoup d'argent. J'étais pas prêt pour celle-ci. Fred, as-tu une question à la mise est grosse. Alors, voilà. Non, j'ai plus de questions. Non, je veux finir avec un morceau. Donc, alors, soit on met bonjour, par exemple. Une exclue. Ah. Oh putain, ça part en exclue. Alors si ça part en exclue. Alors là, je dis bravo. Ah, une exclue, une exclue. Tu dis bravo. Alors attends. Alors là, faut se concentrer. Où est la playlist? Tiens, elle est là, Il est où le CD? Voilà. Le CD est là. NQNT2. DJ Fab Tartine, t'es prêt? Carte sous le coude. Je pense que carte sous le coude, c'est ambiance. Exclu international, première fois. Est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux. Vald, est-ce que tu veux introduire ce morceau? Alors voilà. Pour l'introduction, qu'est-ce qu'on peut dire autour de ce morceau? Alors, carte sous le coude, c'est un morceau que. Voilà, c'est un des morceaux qui nous restait sous le pied. Je l'ai écrit il y a 4 ans maintenant. Et il est vraiment d'actualité, ça fait plaisir. D'accord. Bah écoute, c'était une belle anecdote et on l'écoute maintenant, ce morceau. Voilà. Sur une incroyable prod de BBP. Très chaud. Vous pouvez tous monter le son chez vous, hein, parce que là, ça va chier. Ça va chier. Imaginez. Vous ne connaissez pas ça. Vous l'avez jamais entendu. Écrit il y a 4 ans. Et la prochaine fois, c'était sur Skyrock. Je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. On me regarde de travers, attendant que je fasse un faux pas. Mais non, je ne lècherai que dalle pour me faire nouveau copain. Ce soir je coupe à rien, y'a déjà trop de merde dans le coca. C'est adorable, dès que j'ouvre un œil, y'a le tarpé qui me fait coucou. Cet aspect ose croire que je suis tarpé parce que je rappe pas comme un zoulou. Ok, je cours vite, ces zombies sont prêts à tout. Ça fait la cour pour 4 balles, fais l'amour sous rap. Ça croit que faire la gifle c'est faire de la maille, faire de la maille, faire de la merde et faire de la maille. Seul Dieu peut les juger, ouais, le procès va être hardcore à négocier. J'ai plus tendance à morfler pour mes torts plutôt que torcher le cul de l'autre et clamer le forfait morveux. Moi je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. On passe nos vies pour chasser par les people. Du popper dans la pipe et puis t'oublies que les dés sont pipés. Pépère à l'épicerie, le caissier mes billes croit que je pète un plein de peanuts. Or je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. Ouais, MJ c'est naze, ton proverbe veut rien dire chouchou. J'ai dit c'est ça, c'est comme ton amour pour le flouze. MJVA, faut bien que je me coucoune et que je me refasse faire les goudounes. Là je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. MJ c'est naze, ton proverbe veut rien dire chouchou. J'ai dit c'est ça, c'est comme ton amour pour le flouze. MDVA, faut bien que je me poupoune et que je me refasse faire les gougoutes. Ouais, je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes. Au cas où qu'on me débarre, autour y'a drôles de dames et d'autres drôles de bails. Donc à quoi me sert de prier Notre-Dame? Mon cœur, j'ai colmaté et je serai plus jamais le bon gars d'autrefois. Mais ma foi, je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes en fouille. Ambiance de GAV quand j'arrive en interview. On me dit c'est courant pour un los pour tuer les voyous. Je dis c'est courant pour un journaliste de se noyer dans ses boyous. Fais attention. J'ai conscience lorsque je consomme que je consolide mon cancer. Je vais faire concis pour les conseils, je me considère comme cafard. Je me casse la fraise pour pas cher, tant qu'à canner je dis qu'à Slanchen. J'irai le faire sans aucun crédit. Ouais, je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. J'ai de l'imagination, les autres ont du tulle gras. Sullivan c'est un esprit sain dans un pull drogue. Sullivan c'est un esprit sain dans un pull drogue. Or je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. MJ c'est naze, ton proverbe veut rien dire chouchou. J'ai dit c'est ça, c'est comme ton amour pour le flouze. MJVA, faut bien que je me poupoune et que je me refasse faire les goucoudes. Ouais, je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. MJ c'est naze, ton proverbe veut rien dire chouchou. J'ai dit c'est ça, c'est comme ton amour pour le flouze. MDVA, faut bien que je me poupoune et que je me refasse faire les gougouttes. Allez, je bouge de là, je suis galant. Pour pas foutre le feu, je moonwalk machinalement. Tous ces pantins font de la pop à chier. Même pire, il paiera comme des brosses à chiottes. Je te dis, ça me dérange à ses frères, faudrait leur chasser là. C'est là que les leaders s'activent, m'empêche de tisser avant l'entracte. Alors je tire, cet enfoiré, puis se sang. J'enfourche ma motocyclette, surnommé le tricératops. Le tricératops, surtout viser la tente. Au bout d'un coin de rue, je les ai semés. Ce n'est qu'à ce moment que j'ai crevé le sommet. Dans moi, sale clochard l'a bien vu. Il me souhaite la bienvenue sur son sommier. En carton, j'ai sommeil. Mais je trace, on sait tous que si je m'endors, il va me siffler de l'oseille. Donc j'opère en scred, esquive ses lamentations. J'avance comme un passant qu'aurait rien vu. L'ambiance est glaçante. Salut, dis Samantha pour 40 balles, je la mange. Que ce soit le rap de merde, le clochard ou les putes, tous veulent mon cash. Oh, je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. MJ, c'est naze, ton proverbe veut rien dire, chouchou. Amour pour le flouze. MJVA, faut bien que je me poupoune et je me refasse faire les gougoutes. Ouais, je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. Ouais. MJ, c'est naze, ton proverbe veut rien dire, chouchou. Ouais. Tu dis c'est ça, c'est comme ton amour pour le flouze. Ouais. MJVA, faut bien que je me poupoune et je me refasse faire les gougoutes. Toi aussi, refais-toi les gougoutes avec VLD. NQNT de vendredi. Je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. Titre inédit, une exclue. Et quelle exclue pour conclure ce Planète Rap ce soir? Carte sous coude à l'instant. Voilà. C'est un morceau que vous retrouverez dès vendredi dans les bacs. Et toujours en précommande dès maintenant, on peut y aller. Parfaitement. MQNT 2. Je suis très content de l'avoir réécouté. Et moi, je suis très content de l'avoir entendu aussi ce morceau. Ainsi que les auditeurs de Skyrock qui ont réagi en disant qu'ils vont se refaire les gougouttes. Et voilà. Merci à vous les filles qui ont envoyé les messages. Vald, avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Allez, vas-y. Allez, on y va, c'est parti. Skyrock t'offre ton jeu PES 2016, ta PlayStation 4, plus tes places pour le transport. Je crois qu'on a Mercus en ligne. Non, nous avons Céline. Céline de Chalon-sur-Saône, comment ça va Céline? Eh ben ça va bien, salut tout le monde. Salut, je te présente Vald. Ouais, enchanté Vald. Enchanté Céline. Eh ben voilà, enchanté, tout le monde est enchanté. Tu es prête à faire tourner la roulette, on y va? Ah bah bien sûr. Allez, dès que tu veux tu dis stop, c'est parti, ça tourne, ça roule. Stop. Et ça va s'arrêter après ce magnifique stop. Les places de ciné pour aller voir Transporteur Héritage. 4 places de ciné, le jeu PES 2016. Que Vald a testé hier d'ailleurs, hein, je crois. Ah non, merde, c'était l'autre. Absolument, si, si. C'était l'autre soirée. Ah ouais. Autant pour nous. Ah merde, c'était l'autre. C'est un jeu de foot en tout cas. Ouais, t'inquiète pas, la famille. Mais PES 2016, tu adhères? J'adore, bah oui. Donc validé par Vald, on t'envoie ça à la maison rapidement à Chalon-sur-Saône. D'accord, ok, bah ça marche, merci. On te fait un bisou, ciao, passe une bonne soirée. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Ciao, merci Vald, merci pour cette jolie soirée. Merci. Ah, merci gros. Merci à c'est toi. C'est bon, t'étais plus concentré là, t'étais dans ton connecté. Ouais, parce que c'est les gens, ils envoient des messages, je réponds. Et en même monde, temps que tous les réseaux sociaux que t'as, c'est un bordel quoi. C'est-à-dire que pour répondre, c'est trop quoi. C'est depuis Tinder, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser pour Tinder que c'est à but promotionnel. Parce qu'il y a des gens qui pourraient mal le prendre autour de moi, évidemment. Voilà, c'est de la promotion. Tu tiens à rassurer quelqu'un en particulier ou voilà, voilà, les gens savent. Les vrais savent. Voilà, pardon. voilà. D'accord. Préviens les autres. Donc c'est juste de la promo. Les jaloux vont maigrir. Merci Val, donc merci messieurs aussi pour cette soirée. INCH. Merci. Monsieur Adek était là, Widi mettait au platine aussi. INCH, Mercus. Mercus, c'est vrai qu'on n'a pas salué Mercus. KRYS. Evald qui reviendra demain un petit peu avant 20h. Merci à vous d'avoir trouvé D-Fool maintenant sur Skyrock. Eh oui, on est là. Merci Evald, merci Fredo. Oui, de rien. Merci, merci, on a bien retenu. L'équipe de Evald est unie comme les doigts des pieds. Merci. Oui, c'est original. J'ai bien retenu. Comme l'équipe de D-Fool. Exact. Et j'allais oui, c'est dire. Vrai. Nous sommes également nous unis comme les doigts des pieds également. Ouais, vous êtes arrivés tous ensemble en retard presque. C'était beau à voir. Ah, ouais, t'as vu un peu. La caméra dans le studio. On est arrivé. On était en train de courir. Ils étaient en train de danser dans le studio en faisant des bons airs. Exactement. Et pas mal le Vald style. Oh. On retient. On connaissait la danse de Niska. Maintenant, il y a la danse de Vald. C'est ça. C'est un peu du copier-coller, mais non, c'est moins bien. Faut lancer ça. Oh, je suis pas sûr. Trois choses près. Oh, je suis pas sûr. Vraiment, respect à toi, Vald. Ça me touche énormément. Ben, c'est fait pour. On te retrouve demain à partir de 20h. Demain, 20h, 21h. Loupez pas le Planète Rap. Ça déchire cette semaine encore. Et vendredi, c'est dans les bacs. Mais on en reparlera demain, 20h, 21h. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut, à demain. Bonjour à tous. Qui venez d'arriver. Là, on est là jusqu'à minuit. 01 53 40 30 20. Vous voulez faire les cons comme pendant une heure, comme avec Vald, vous profitez jusqu'à minuit, on est là en direct, venez faire de la radio. Ah, on est prêt. Ouais, comme Vald, comme Fredo. C'est ça. Venez avec nous jusqu'à minuit. C'est bien Fred. À demain alors. Et bah à demain. Rencard demain, 20h, 21h. Et là c'est parti avec Sapé comme jamais, premier son de la magnifique soirée. Le gros son de Maître Gims, c'est de Niska, on parlait de Niska justement. Il est sur ce morceau. Et toute l'équipe qui arrive, toute l'équipe qui est là même d'ailleurs. Ah bah on est tous présents tous. Allez, à l'heure. Présents. C'est parti jusqu'à minuit, Radio Libre. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Skyrock t'offre le PES 2016, la référence des jeux de foot avec ta PlayStation 4. Vas-y, on est...